Moi? Dieu m'en garde! Étrange immobilité. Il semble que la vie manque à ce regard, le sang à ce visage, comme si son âme avait quitté son corps. À quoi pense-t-elle? Balanzani, je doute que ma visite lui fasse grand plaisir. Qu'est-ce donc que ce monsieur regarde? Ah, notre Olympia. Leur Olympia? Chenôme! Vous regardez mademoiselle Olympia, fille de mon ami Spallanzani. C'est moi qui lui vends des baromètres, Copilius. Fabricant des baromètres, des thermomètres et des hygromètres. Voilà. Monsieur n'aurait pas besoin d'un baromètre? Non, merci. Ah, je comprends. Heureux les amoureux, n'est-ce pas? Vous dites? Et j'ai aussi des yeux, de beaux yeux. Des lunettes, tu veux dire? Non, monsieur, des yeux véritables, des yeux vivants.